mes amis. Pardon. Hier soir, j'ai fait ma soirée speed dating. Ah, je me rappelle le principe, c'est très simple. Hein. On rencontre 7 radars, 3 minutes chacune. J'y me retrouve donc dans le bar, en plein Paris. Ah oui. Et on m'isole avec les 6 mecs à l'écart des morues. Ah, je dois vous confesser qu'à chaque fois, je suis un peu inquiet. Ah, je me fais à chaque fois ma petite séance d'automotivation pour combattre le stress. Je répète tout le temps en regardant dans le miroir. T'es le meilleur, t'es le plus fort, tu vas les plier, ce fumier. T'es la boule, les filles, c'est les quilles, tu fais un strike. Ah. Du coup, et tout à coup, quelqu'un vient nous chercher pour le premier contact. Là, je dois dire, j'étais un peu trop sec dans mon approche. La femelle qui était devant moi me dit « Bonjour, je m'appelle Cynthia, je suis pressée de... » J'ai répondu moi aussi. J'ai sauté par-dessus la table, je lui ai arraché sa chemise. Une fois calmée, et la police partie, j'ai su qu'elle n'avait pas fini sa phrase et qu'en fait, elle voulait me dire qu'elle était pressée de faire ma connaissance, simplement. Ah, tant pis, j'ai foiré, hein, faut pas en faire un strudel. De toute façon, elle était moche, alors pas de regret. Je passe à la deuxième postulante. Après les préliminaires idiots d'usage, genre, comment tu t'appelles? Je lui pose une question existentielle. Je lui demande si elle connaît l'amour à la bavaroise. Elle me dit que non. Oh, sans perdre une seconde, je lui balance ma bière en pleine gueule. Je lui roule une pelle. Pendant qu'elle se séchait le visage, je lui dis, voilà, ça commence comme ça, l'amour à la bavaroise. Tu aimes? Elle n'a pas répondu. Oh, je la comprends un peu, la pauvrette. Comment dire devant tout le monde, et sans gêne surtout. Oh, Helmut, je vois plus clair avec ce demi dans ma tronche. Tu m'as convaincu, commande nous d'autres bières et prends-moi ici maintenant sur la table comme un chamois turc. Bref, celle-là, je l'avais dans la bouche. Par la suite, bien sûr, j'ai séduit toutes les autres. À toutes les autres et surtout, Clotilde. Oh, Clotilde. Je me suis assis à sa table et c'était parti. Salut toi, moi c'est Helmut. Et je suis sûr que toi et moi on va faire des trucs bien dégueux. Bon. D'où Jésus, elle a un malaise. Profitons-en pour la ploter un peu. Bonjour, je m'appelle Clou. Contre soi? Non, Clotilde, je suis bête. Non, bête. La pauvre, elle avait un problème d'élocution. Même la plus petite phrase dura un temps fou. Du coup, au bout des 3 minutes, j'avais même pas eu le temps de noter les derniers chiffres de son numéro de téléphone. On a fini la soirée chez moi. Et là, croyez-moi, mes amis, c'est une expérience à vivre. L'amour à la bègue, ça dure. Mais ça dure. Elle m'a fait... L'amour pendant 21 heures. Oh là, je suis crevé, moi. Je vais me recoucher. Allez, t'as une tronche.